Vincent Mermillot. Bonjour Vincent. Bonjour. Tu es bandoneoniste ? Oui, enfin j'essaye. Ça fait combien de temps que tu essayes le bandoneon ? Ça fait à peu près 6 mois. 6 mois ? Ouais. Et qu'est-ce qui t'a amené vers le bandoneon ? C'est via un film en fait que j'ai vu il y a 6 mois qui s'appelle Bandoneon. C'est un documentaire qui retraçait le parcours d'un joueur de bandoneon hollandais sur les traces des grands bandoneonistes de l'âge d'or du tango, qui a rencontré ces gens-là, qui allait les rencontrer en Argentine. Et en regardant ce documentaire, ça m'a intéressé, ça m'a donné envie d'en savoir plus sur cet instrument, sur l'histoire de cet instrument. Et il y a quoi comme grand nom du bandoneon ? Certainement le musicien le plus connu, c'est Astor Piazzolla. Mais c'était déjà plus tard, les grands bandoneonistes de l'âge d'or du tango dans les années 30-40, c'était Annibal Troilo, Barletta, Rivero, ces gens-là, qui ont bâti tout un répertoire de tango basé sur le bandoneon et la musique de bandoneon. Le bandoneon, c'est devenu l'instrument du tango. L'instrument du tango. C'est devenu l'instrument du tango. C'est aussi le tango qui a un peu sauvé le bandoneon, parce que c'est en Argentine que le bandoneon a continué d'être vendu via le tango, et pour la musique du tango, sinon ce serait un instrument qui aurait disparu. Parce qu'il est né en Allemagne au milieu du 19e siècle. Oui, c'est ça, oui. C'est un instrument typiquement folklorique au départ. Il y avait un village, deux villages à la frontière de l'Allemagne et de la Tchéquie qui ont développé cet instrument-là. Bon, il y a eu plusieurs versions, mais à l'origine, c'était un instrument beaucoup plus petit, ça s'appelait le concertina. Et c'était un instrument folklorique, diatonique, c'est-à-dire assez simple à jouer pour que les gens sans culture musicale fassent de la musique les dimanches à la fête du village. Et puis donc, il y a certains vendeurs qui ont commencé, dont un monsieur Band, qui a commencé à trafiquer ces instruments assez simples pour augmenter le nombre de notes. Donc au départ, tu avais dans tous les cas moins de 60 notes. Et puis c'est monté, 60, 80, il y a eu des modèles à 110 notes. Et le modèle le plus vendu qui s'est établi aussi en Argentine dans le tango, c'est un modèle à 142 notes. Est-ce qu'il y a plusieurs sortes de bandoneons ? Oui, il y a plusieurs sortes. Il y a l'instrument qui est utilisé en Argentine, en fait, c'est une des premières versions qui a été développée. Ensuite, il y a eu en Allemagne d'autres versions un peu plus logique, on va dire, en tant qu'instrument de musique, qui était plus facile à jouer, mais les Argentins l'ont pas accepté, donc ils ont conservé un des modèles qui s'appelle Rheinische Tonlage, donc c'est-à-dire 142 notes. Oui. Et c'est devenu aussi par la suite Argentinische Tonlage, donc c'était un instrument typiquement argentin. D'accord, parce que dans l'harmonica, par exemple, il y a chromatique et diatonique. Ouais. Dans le bandoneon, non ? Si, c'est ça. Donc, en fait, ce qui s'est passé à l'origine, les bandoneons sont diatoniques. Donc, quand tu tires et que tu pousses en appuyant sur une même note, oui, ça donne un son différent. Tu vois ? Ok. Et donc, principalement, la majeure partie de la production de bandoneons est diatonique. Il y a eu une exception qui est propre à la France, en fait, c'est que quand le tango a eu un certain succès en Europe, est revenu d'Argentine et a eu un certain succès en Europe, les accordéonistes français, qui jouent donc de l'accordéon, qui est un instrument unisonore, c'est-à-dire que quand tu tires et quand tu pousses, tu as la même note, ils ont demandé à ce que soit développé un bandoneon unisonore, pour qu'ils puissent apprendre plus vite. Donc il y a une toute petite série d'instruments dans les années des années 25 aux années aux années 35 qui ont été développés sur la demande de monsieur Peguri, qui est un compositeur pour accordéon. Et donc il y a des instruments en France et seulement en France, un peu en Suisse, qui sont unisonores. C'est comme un accordéon. C'est basé sur la répartition des notes d'un accordéon à droite. Mm-hmm. Et puis à gauche, c'est assez similaire à tous les autres bandoneons. En fait, on peut à peine les distinguer. Mais c'est quelque chose qui est propre à la France. Ok. Donc, différence entre accordéon et bandoneon, résumé. La différence entre un accordéon et un bandoneon, c'est surtout à la main gauche, où tu as, à l'accordéon, tu as des accords tout faits. Donc, quand tu appuies sur une note, tu as un accord tout fait. Ah ouais, d'accord. Alors que quand tu joues du bandoneon, tu es obligé de former l'accord, comme sur un piano, en appuyant sur les trois boutons. D'accord. Tu vois ? Ok. Et ça, j'appuie sur trois notes. Donc ça donne, c'est plus difficile du point de vue technique pour la main gauche, mais ça donne des possibilités bien plus énormes que sur un accordéon, parce que si tu te rapproches du piano en fait, pour ce qui est de l'accompagnement, tu as toutes les possibilités d'un piano. Et d'ailleurs moi je joue sur des partitions de piano en fait. Ah oui, j'allais demander les portées, on joue avec quelle clé? Alors, l'écriture musicale pour bandoneon, c'est la même que pour accordéon. Tu as deux voix, la main droite, main gauche. C'est comme au piano, en fait, il n'y a aucune différence. Mais ça s'est établi, peu à peu, parce qu'au début, les bandoneons, qui étaient prévus pour des gens, des paysans, des gens de la campagne qui ne connaissaient rien à la musique, ils avaient leur propre système de notation. Donc tu vois, sur chaque touche, tu as un numéro. Et en fait, les chansons connues étaient retranscrites sous forme de numéro. Bien, bien. Donc les gens appuyaient sur la touche 15, appuyaient sur la touche 00, appuyaient, et sans savoir à connaître la musique, les solfèges. Ah, donc... On a toujours ça sur tous les bandoneons, tu vas retrouver ça, même si ça n'a plus d'utilité très vite. Si tu regardes l'instrument, tu as t'as deux claviers, 38 touches à droite, 33 touches à gauche. Mm-hmm. Tu as un soufflet, toi, qui fait à peu près 90 cm, que tu l'ouvres. Okay. Et c'est de la peau de chèvre, les cuirs. C'est les cuirs que tu avais à l'époque, justement, là-bas dans le... en Allemagne, là où ils étaient produits. Si on l'ouvre, c'est de la mécanique, on va dire, de pointe, mais tout en bois, quoi. C'est beaucoup de petits ressorts. Ce qui produit le son, c'est quoi, des lamelles Alors, ce qui a produit le son, c'est des... comment on appelle ça? C'est des... Des hanches? Des hanches, voilà. Enfin, des hanches. Des hanches, voilà. Montées sur des plaques de zinc. Ce qu'on appelle les musiques, quoi, ce sont des hanches montées sur des plaques de zinc qui vibrent donc au passage de l'air. Donc tu as une soupape par touche, ça ouvre cette soupape-là. Okay. Et l'air passe uniquement dans cette hanche-là et permet d'avoir un son. La note correspondante. La note correspondante. Alors les bandoneons. Ce qu'on appelle bandoneon du tango, il y a sur une même touche, tu as en fait deux hanches qui vibrent, tu as le son lui-même et son octave. Oui, d'accord. Donc c'est ce qui donne ce son propre au bandoneon en fait, quelque chose que tu n'as pas sur, l'accordéon. Oui. À l'accordéon, généralement, si tu joues du musette, par exemple, tu as deux hanches qui vibrent, mais à la même hauteur. Il y en a une qui est très légèrement plus haute que l'autre, et ce qui donne cet aspect un peu nasillard. Oui. Ouais. C'est approximatif. Elles jouent le même son, mais avec une très légère différence de fréquence. D'accord. Qui donne cet aspect un peu gras. Okay. Au bandoneon, tu as deux hanches qui jouent, mais le même son, la même note, mais à une octave de différence. Donc c'est plus pur, c'est plus doux. Oui. Si tu regardes là, c'est quand même de l'artisanat, on va dire de super classe, quoi, parce que tout ça c'était fait à la main, les motifs Et ouais, pour se procurer un bandoneon, ça se trouve facilement. Alors c'est un bon bandoneon. C'est pas très facile. Celui-là, il revient d'Argentine, comme je disais. On peut le voir au tampon, parce que chaque accordeur, une fois qu'il a accordé l'instrument, il met son tampon. Donc je sais qu'il est, ben, on peut voir qu'il est passé à Mendoza, c'est à 1000 km de Buenos Aires, à la frontière du Chili. Surtout qu'il, ben oui, à l'origine, il venait de l'Allemagne. Hein, de... Et oui. Donc c'est un instrument de 1936, celui-là que j'ai. Et c'est les instruments qui sont un peu les plus recherchés, c'est ceux qui sont avant la Seconde Guerre mondiale. Donc tous ces modèles de, on va dire, 1928 à 1936, parce qu'il y avait certains, disons que les fabricants avaient déjà amélioré leurs instruments, donc ils avaient déjà développé leurs meilleurs instruments. Mmh. Et puis c'était avant la Deuxième Guerre mondiale. À partir de la Deuxième Guerre mondiale, il y a beaucoup d'employés de ces usines qui sont partis à la guerre, donc le savoir-faire s'est perdu. Oui. Et en fait, lentement, le tango n'a plus été à la mode. Ces villages-là sont passés en RDA, en République démocratique d'Allemagne. Et donc ont été nationalisés, ils ont commencé à produire d'autres choses. Et puis peu à peu, en 1964, l'usine a complètement fermé. Mais tous les instruments, on peut dire que tous les instruments qui datent d'après la Deuxième Guerre mondiale sont relativement médiocres, de par les matériaux qui sont utilisés et puis par le son aussi, qui est très proche d'un accordéon. Donc les modèles recherchés, ben c'est ça par exemple, c'est les modèles AA. C'était un modèle prisé par Astor Piazzolla. Il a même écrit une chanson, enfin il a écrit un morceau pour Tristesse pour le AA, qui sont, ben, comme je disais, des instruments assez recherchés. Tu les trouves pas facilement. Là j'ai eu de la chance, mais c'est pas facile. L'apprentissage est très long, de par la complexité du clavier. Il n'y a aucune logique en fait dans la répartition des notes, donc il faut apprendre par cœur. Il n'y a aucune logique. Par exemple, le Do est où, le Ré qui suit est où? D'accord, voilà. Je comprends le problème. Et la même chose à gauche. Et puis quand tu... Oh là là. Ça c'est en tirant, mais quand tu pousses, c'est encore autre chose. Oh non, non. C'est une autre répartition. Parce que si je rejoue la même chose, il sort ça. Et ça c'est Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do en tirant. Donc en fait, c'est un instrument assez diabolique parce que tu as 4 claviers à connaître. Tirant à droite, tirant à gauche, poussant à droite, poussant à gauche. Et, ça serait créer une logique, avoir deux cerveaux. Prendre une habitude extraordinaire. Ouais. Mais on voit que c'est un instrument qui a été développé pour le folklore, parce que pour les gens qui ne connaissaient rien à la musique, parce que si tu prends des combinations très simples de doigts, en fait, tu poses simplement tes doigts là. Voilà, les trois qui suivent. Tu vois, tu fais déjà de la musique sans rien faire, en fait. Par contre, dès que tu veux faire de la musique écrite ou que tu veux réellement t'attaquer au répertoire du tango, par exemple, bon, ben là, il faut réellement retrouver toutes les notes. Donc, c'est un instrument qui a été, on va dire, un peu... rendu difficile, un peu détourné aussi de son but initial, parce qu'après, dans la musique du tango, tu as des choses très très savantes qui ont été écrites, des arrangements très compliqués, et c'est relativement difficile de jouer ça sur un bandoneon. Mais ce qui est intéressant, je trouve, c'est aussi ce qui s'est passé en Allemagne, parce que bon, c'est un instrument, au départ c'était prévu pour l'Europe, hein. C'était pas, personne n'avait prévu que ça atterrirait en Argentine, et donc il y avait une culture au début du XXe siècle très forte du bandoneon en Allemagne. Donc il y a eu un moment, jusqu'à les gens s'organisaient dans les villages en club de bandoneon. Les gens avaient des bandoneons dans les familles, les enfants jouaient dessus, tout le monde jouait. Et donc, il y a un moment avant la Deuxième Guerre mondiale, en Allemagne, tu as eu jusqu'à 600 clubs de bandoneons. Ils jouaient du folk. Alors, ils ne jouaient pas du tout du tango, puisque c'était carrément indépendant ce qui s'est passé en Amérique du Sud. À l'époque, ça s'est développé indépendamment de l'Allemagne. Donc, ils jouaient le répertoire de musique folklorique allemande en orchestre de bandoneons. Et c'était un instrument ben, justement qui était très prisé dans la dans les classes ouvrières. Donc la plupart de ces clubs de bandoneon, c'était en fait des classes ouvrières qui jouaient ça. Et à l'arrivée d'Hitler, le bandoneon a été vu comme un instrument dangereux, puisqu'il donnait lieu aux rencontres des mouvements de gauche, des syndicats et tout ça. Donc il y a eu une campagne des nazis contre le bandoneon, ce qui fait que ça, plus ou moins, ils ont détruit les instruments, ils ont dissous les clubs, de manière à, ben, c'était pour entraver les mouvements de gauche à leur arrivée au pouvoir, quoi. Donc le bandoneon s'est complètement perdu. En Allemagne, il reste à Hambourg, où j'habite, il reste un vieux club, un club de bandoneon de l'époque, on va dire, qui s'est créé dans les années 40, qui s'est recréé après la guerre, mais il joue je vois 9-10 grands-pères qui jouent de la musique folklorique sur un bandoneon. Et il y a encore quelques clubs comme ça en Allemagne, si tu les comptes sur les doigts de la main, qui se sont recréés après la guerre et qui ont continué. À la base, ça a été très utilisé, c'était même développé pour ça, c'était pour les églises qui n'avaient pas les moyens de s'acheter un orgue. Donc tu peux jouer, tu trouves souvent des cracks du bandoneon qui te jouent toutes les suites de Bach sur le bandoneon, ta ta ta ta, et ça sonne plus ou moins comme un orgue au final, puisque quand tu es dans une église, tu as les hanches, ça résonne, tu as des gens qui jouent ce répertoire-là. C'est un instrument qui est aussi, une fois qu'il est arrivé en Argentine, la légende dit que c'est un marin qui avait des dettes dans un bordel de Buenos Aires et qui a laissé un bandoneon comme gage. Et c'est comme ça que serait arrivé l'instrument. Donc là, à cette époque où le tango se développait, en fait, le tango existait déjà, mais depuis peut-être quelques... Le tango, avant, on le jouait à la flûte ou à la guitare. Et quand le bandoneon est arrivé, ça a tout de suite plu, parce que c'est des instruments un peu avec un son comme ça, un peu mélancolique. Ça a des soupirs, ça fait du bruit. Ça peut être très gai, comme un peu plus triste. Correspondait bien à l'état d'esprit de tous les immigrants d'Argentine, puisque la plupart des Argentins à cette époque-là, c'était en fait des Italiens, des Français. Donc ça a tout de suite été adopté dans le tango, dans ces quartiers défavorisés de Buenos Aires. Et par la suite, les gens sont installés pour importer les bandoneons. Il y a eu un moment, c'était la folie. Paraît-il qu'ils ont importé jusqu'à 80 000 bandoneons en Argentine jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Donc, t'imagines pour les petites usines d'Allemagne ce que ça voulait dire, quoi. C'était les grandes années de la production. Après, au début, le tango, ça a été créé justement, comme je disais, dans ces quartiers défavorisés, avec les musiciens qui étaient là. Bon, et puis après, c'est devenu un peu plus savant, parce que des compositeurs s'y sont attaqués, ont développé le répertoire. Et ont développé même jusqu'à une forme fixe d'orchestre qui s'appelait l'orchestre typica, où tu as trois bandoneons, deux violons, une contrebasse, un piano. Et ça, c'est quelque chose qui a perduré comme forme fixe de tango durant des années. Aujourd'hui, tu as deux, trois orchestres qui tournent en Europe, l'orchestre typica, avec des gens à peu près de notre âge, très jeunes, qui ressortent les bandoneons et reforment ce genre de choses. Mais c'est devenu musique assez bâtie et savante par la suite, en fait. Mais aujourd'hui c'est pas dur. Bon, regarde en Allemagne, là, moi je connais à Hambourg, une ville quand même où il y a 2 millions d'habitants. On est peut-être 3. Je connais. Sur 2 millions d'habitants, 3 joueurs ouais. De bandoneon. En Allemagne, donc moi je suis amateur, mais en Allemagne, il y a peut-être, on va dire, il y a moins de 10 personnes qui sont ou professionnelles, c'est-à-dire qui en vivent, ou qui sont semi-professionnelles, c'est-à-dire qui ont un orchestre, qui jouent régulièrement. Et puis sinon, bon ben, tu as encore, comme je disais, les grands-pères qui jouent dans leur musique folklorique, mais très peu. Donc c'est assez limité. C'est une communauté assez réduite. On est un peu en contact via Internet parce que y a plusieurs forums où tu peux discuter, t'échanger des partitions, vendre un instrument, en chercher. Bon. Donc il y a un forum pour les francophones qui jouent comme je disais, du bandoneon français, et puis un forum pour international pour les joueurs de bandoneon du monde entier. Mais bon, ça se réduit toujours à. C'est peut-être 60 personnes qui sont là en contact. Vous connaissez un petit peu tous? Non, moi je connais j'en connais en Allemagne, d'autres amateurs. Et puis sinon, bon, tu peux étudier le bandoneon quand même à Paris. Il y a une classe de bandoneon avec un bandoneoniste argentin qui s'est installé à Paris. Et donc tu peux apprendre bandoneon là ou à Rotterdam aussi. Il y a une classe de bandoneon. C'est déjà argentin généralement. C'est des Argentins qui se sont installés en Europe et qui ont créé ces classes de bandoneon. Mais tu trouves le bandoneon quand même aujourd'hui dans une certaine dans le tango, l'électro-tango en fait. Si tu prends Gotan Project, Otros Aires et ces groupes-là, bon, il y a un bandoneoniste sur scène. Et il joue réellement. C'est un vrai bandoneoniste. Ouais. Donc tu trouves ça. Mais sinon, ça comme tu demandais, où est-ce qu'on en joue encore, c'est en Argentine, en Amérique du Sud, on est en Équateur, en Uruguay. Ça a été adopté pour la musique folklorique locale. Et là, bon, pour le coup, ils jouent, tu peux regarder sur YouTube, ils jouent à leur fête de famille. Ils jouent du bandoneon, et c'est des bandoneons d'Alfred Arnold qui viennent d'Allemagne, et qui ont certainement aussi 80 ans ou 100 ans. Donc. Et donc ça avec le temps, c'est comme les violoncelles, les violons, ça prend de la valeur avec le temps et un certain son, une certaine qualité. Le son plutôt se dégrade, donc faut le faire accorder, on va dire régulièrement. Les musiciens professionnels les font accorder certainement tous les ans ou tous les deux ans. Moi je connais un accordeur professionnel en Allemagne. Ils sont très très peu en fait les gens qui sont capables d'accorder un bandoneon, parce que c'est très long. Tu dois l'accorder plusieurs fois en l'espace d'une semaine. Ils se désaccordent de nouveau. Enfin, c'est une espèce de lutte contre les hanches. Et c'est très fastidieux. Généralement, les accordeurs d'accordéon refusent ou le font mal. C'est bizarre. Okay. Donc, il y a une grande maison à Buenos Aires qui savait accorder les accordéons. C'était Fabiani. Et malheureusement, ils sont aussi vieux. Ils ont fermé. Donc maintenant, il y a très peu de personnes. Mon copain là. Allemand, donc lui reçoit les bandoneons de beaucoup de professionnels d'Europe pour les accorder. Et c'est pour te dire s'il y a peu de monde.